بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس العشرون 20e leçon. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. تمام الآن اليوم سندخل في الدرس العاشر لا ديزيام لسون دو ليفر من الوحدة الثامنة بعنوان شرطي المرور. شرطي المرور، شرطي سي ان بوليسيي، المرور على la base سي لا سيركولاسيون داكور دونك سي دو بوليسيي لاجون دو سيركولاسيون. نعم طيب الكلمات الجديدة. اولا إشارة c'est le مصدر du verbe أشارة يشير qui veut dire indiquer et là serait indication ou signalisation par rapport au code de la route. Ça peut être le feu aussi comme le feu rouge, le feu vert, le feu orange. عبور c'est la traversée. عبارة يعبر c'est faire traverser quelque chose et là ça va avoir un lien avec le passage clouté, passage piéton. Là ça va venir la base. عبور c'est une traversée, mais là ils vont là eux dans la phrase que tu vas voir dans le texte, eux ils visent par là le passage piéton, passage clouté pour traverser la rue ou la route. إبراز c'est le مصدر de أبرازا يبرزو c'est le faire de montrer quelque chose, faire apparaître quelque chose, faire ressortir quelque chose. معنى إظهار. ورخصة القيادة ça c'est le permis de conduire. رخصة القيادة c'est le permis de conduire. إطفاء c'est l'extinction, faites d'éteindre. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم, ils veulent éteindre la lumière d'Allah par la lumière. Voilà. C'est le مصدر de أطفاء, ça veut dire éteindre. اتجاه c'est le مصدر du verbe اتجاه يتجه qui veut dire se diriger et là اتجاه معنى جهة la direction. فهم الشاحنات c'est le genre de شاحنة c'est un camion porteur, camion de transport. On peut dire aussi le mot qu'on emploie ici c'est dien comme tu as pu entendre, c'est la même chose. C'est un camion pour transporter les choses. Non, je trouve que c'est. C'est arabe, je crois, il me semble. Shuhna, ça c'est la charge transportée. D'accord ? C'est Shuhna ou bien Shuhna ? Shuhna. Shuhna. C'est la charge transportée. Charge transportée. Non. Shurtiyun, ça c'est un policier. Et la police, c'est un shurta. C'est la police de façon générale. Et un shurti, c'est un policier. El murur, on avait dit, c'est la circulation. Hawanit, c'est le djem de hanout, c'est un dokken. طيب دكان حانوت صندوق دكان نفق سانتينيل نفق سانتينيل مشاء مشاء مشاتو سي لو جيم دو ماشي سي لو بيتون المشاء سي لو بيتون القيادة للسيارة c'est la conduite de voiture. Le mot est déjà venu en haut. تمام؟ بل انسى نقرا. Ah ouais, c'est le mot tamouinat, c'est ah? même sens que tukan. Tamouinat. À la base mouna, tamouin c'est le mot mouna qui veut dire ravitaillement, ce genre de choses. Tu vois? Tamouinat, ce serait des. Dans ce sens-là. Du verbe maouwana yu maouwino, le fait de donner du ravitaillement. Approvisionnement aussi, norme. Mouna, ravitaillement, provision. حول هذا طيب الآن سنقرأ النص يقول في بداية يوم جديد وجد أحمد أمامه وقتا واسعا ففضل الذهاب ماشيا إلى عمله que en début d'un nouveau jour, d'une nouvelle journée, bidaya c'est le début, que Ahmed a trouvé devant lui, voyez, du temps, beaucoup de temps on va dire, donc il a préféré aller à son travail en marchant. Zahab c'est le mazal de Zahaba Yadhabu. Mashiyan c'est en marchant, c'est un hel. Et Faddala c'est préféré. Il a eu du temps libre devant lui, beaucoup de temps libre, donc il a préféré aller en marchant. شاهد أحمد في طريقه مناظر عديدة. Donc sur son chemin, Ahmed a constaté, contemplé beaucoup de choses. مناظر عديدة. منظر c'est le des visions. Ça peut être des paysages, choses que tu regardes. J'ai vu plusieurs. J'ai vu plusieurs. On va pas dire paysages, mais il a vu plusieurs choses, quoi. Dans le sens. Shahida Mawakif As-Sayyarat. Il a vu, par exemple, des parkings. Mawakif, c'est le terme de Mawakif, c'est le lieu où tu stationnes. C'est des lieux de stationnement pour voitures. Ou Atfal al-Madaris. Les enfants, les petits écoliers, quoi. Atfal, c'est le tifl. Madaris, c'est madarasa, c'est les écoliers. Ou Shahada Hawanit. Et des boutiques, des lieux de commerce. Ou Mata'im. Et des restaurants. Mata'im, jam de Mat'am. Restaurant. Ou Makatib, jam de Maktaba. Ça peut être des librairies. Ça peut être Maktab aussi. Des agences, des bureaux. Naam. Wa qariban min khat 'ubur al-musha lafata nazar Ahmed shurtiyun شرطي المروع وهو يقف مع أحد سائق السيارات الكبيرة يعني الشاحنات التي تحمل شحنة من الحديد. Donc il dit, est proche min khot ubur el moucha, là c'est le passage clouté. Khot c'est la ligne. Ubur traversé, moucha c'est les piétons. Donc il veut dire quoi là par là? Le passage piéton, pour piétons. Passage clouté comme on dit chez nous. D'accord? Il est trouvé. Tayeb. Que un policier, un agent de circulation, a attiré le regard de Ahmed. Alors qu'il a arrêté un des chauffeurs de camion qui transporte une charge de métal, de fer. Hadid, c'est le fer. Non. ولما اقترب منهما أحمد وجد الشرطي يسأل السائق عن رخصة القيادة والبطاقة الشخصية وأوراق الخاصة بما يحمل السائق من بدا من بدعة. Donc il dit lorsqu'il s'est rapproché de deux Ahmed lorsqu'il s'est rapproché de deux, il a trouvé que le policier était en train de questionner, de demander au chauffeur son permis de conduire, رخصة القيادة. Et sa carte d'identité. Yani el bitaqa el shakhsiya. Ça c'est la carte d'identité. Wal awraq el khassa bima yahmilu el sa'iq min bida'a. Et les feuilles propres à ce qu'il transporte, à sa charge, sa cargaison. Wa 'alima Ahmadu min el hiwar anna el sa'iqa yasiru fi el tariq yuwasiru إلى النفق غير مسموح للسيارات النقل هي بسيارة النقل بالمرور فيه ولذلك أوقفه الشرطي وطلب منه أن يسير في الاتجاه الآخر. Donc il dit que Ahmed a donc su à partir de cette conversation, cet échange qu'il y a entre les deux, entre le chauffeur et le policier, qu'en fait le chauffeur emprunter une route qui le menait vers un tunnel interdit aux camions de transport. D'accord ? Alors c'est pour cela que le policier l'a arrêté et a désiré de lui qu'il emprunte une autre direction. Elle est tijer el aha. Notre direction. ووقف الشرطي بجانب السائق حتى مرت سيارات عديدة للإطفاء. Et que le policier s'est tenu à côté du chauffeur à tel point que plusieurs voitures sont passées. Mais là, j'ai pas compris quoi dit l'itfa. J'ai pas compris ce qu'il veut dire par là. À la base, l'itfa, c'est la sanction, le fait d'éteindre quelque chose. Là, j'ai pas compris le rapport. Si toi, t'as compris, ben, vas-y, hein. Indique-moi ce qu'il veut dire par là, moi, j'ai pas compris. Wa ba'd al-hafilat. Et également, certains cars. Hafilat, c'est les cars. Thumma taharraka as-sa'iqu nahwa l'ittijah as-sahih ba'd an shakara al-shartiyah. Ensuite, le chauffeur a bougé vers une direction, vers une bonne direction, après qu'il ait remercié le policier pour ce qu'il a fait. Et il a emprunté la vraie direction, donc par politesse et courtoisie, il a remercié le policier. La forme ? Pas mal. خلاص نكتفي بهذا اليوم ونقول الحمد لله رب العالمين مع تحية دمام افاف.com